Bon, en attendant que les autres nous rejoignent, je vais quand même peut-être commencer à vous raconter quelque chose de cet endroit. Ah, je ne sais pas si... Vous avez un traducteur ? Traducteur ? Ici, traducteur. Il y a d'autres personnes anglaises par là ? Ciao. Ça va pour les autres, ça va français. Bonjour. Je m'appelle Martha, ce que je n'ai pas rencontré encore. J'habite ce quartier, on est dans les quartiers de la Plaine. Ça fait une vingtaine d'années que je suis là. Et entre autres, je fais partie de l'Assemblée de la Plaine, qui est en fait plus qu'un groupe, c'est un espace de rencontre et d'échange. Il y a Étienne aussi qui est là, qui en fait partie, plus ou moins. C'est des fois complété. Et donc, en fait, on nous a demandé un peu de vous raconter qu'est-ce qui se passe ici à la Plaine et quel lien on peut avoir avec cette idée de faire commun et de faire commun sur un espace public, qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Alors, comme vous voyez, c'est une place qui est en chantier. C'est un chantier qui a commencé en septembre de l'année dernière, du coup 2018. Et en fait, il a commencé au bout de plusieurs années, depuis 2015, de lutte. Vraiment de lutte. Enfin, du coup, on est complètement dans une autre configuration par rapport à Place Louise Michel où on était avant. Et en fait, il y a... Donc, pour vous décrire, pour ceux qui ne connaissent pas cet endroit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui, depuis à notre ville, a entendu parler de la Plaine? Depuis l'Italie, on a entendu parler. De Paris. Et toi, de... À cause qu'on venait à Marseille, les Québécois, on Ah, ok. Ok. Et je ne sais pas, à Nantes, si on a entendu parler de la Plaine. Parce que... Bonjour. Ah, Noël. Salut. Noël aussi, qui a rejoint l'Assemblée de la Plaine au moment des grandes mobilisations. Et j'étais avec des Espagnols là-bas, au bord okay, de la Plaine. Ok, parfait. Super. Bonjour. Et donc, j'ai commencé tout juste à raconter un peu qu'est-ce que c'est la Plaine. Du coup, c'est cette place qui est la plus grande place de Marseille, où il y avait, jusqu'à avant le début des travaux, un marché tri-hebdomadaire, hyper vivant, hyper populaire. Donc, il faut s'imaginer que la place entière était couverte par les états de marché. Officiel, non officiel, c'était vraiment hyper mouvementé. Et du coup, c'était un marché qui faisait venir des gens qui n'habitaient pas dans les quartiers aussi, des gens qui venaient surtout des quartiers populaires, plutôt vers le nord. Donc vous avez vu un peu la géopolitique de Marseille, nord-sud, quartier nord, quartier sud. Et du coup, il y avait ce marché. C'est aussi un quartier qui vit beaucoup la nuit, le soir. Il y a beaucoup de bars, de salles de concert. Et en fait, c'est toute une histoire qui vient d'une auto-réécriture de l'histoire du quartier. Il faut savoir qu'aux années 70, il y avait un gros marché, les marchés de gros, de fruits et légumes sur les cours Julien. Et en fait, tous les espaces entre ici et les cours Julien, c'était des gros magasins aussi de stockage. Donc d'un coup, en décision administrative, on a délocalisé les marchés de gros et les quartiers s'est vidé en première fois. Et du coup, c'est les gens qui vivaient les quartiers, qui ont commencé à investir ces lieux. Et c'est surtout une scène musicale de sortie qui a fait revivre un quartier qui, au final, commençait vraiment à être mort. Il y a eu des gros travaux dans les années 80, ici sur la place, de réaménagement, avec la création d'un parking souterrain qui est géré par une boîte privée, par Vinci. Et à partir de là, il y a eu une sorte d'abandon des pouvoirs publics, de petit à petit de laisser aller. De se désintéresser un peu de ce quartier, de son entretien. Mais en même temps, il y a eu aussi des premières installations, par exemple des caméras de vidéosurveillance. Et c'est cet événement en particulier qui a fait que s'est formée l'Assemblée de la Plaine. C'était un peu en réaction à l'installation des caméras et voir comment se mettre ensemble, comment réagir à tout ça, parce que ça c'est quand même... façon de voir la ville, de voir l'utilisation de l'espace public par le contrôle et la répression qui ne collait pas avec la vision du monde que les gens d'ici avaient. Il y avait quand même une sorte de terreau de quartier qui a fait qu'il y a plein de lieux associatifs qui se sont ouverts, plein de salles de concert, mais qui sont aussi des lieux de rencontre, des cantines. Il y a tout un tissu hyper riche. Donc Étienne, pour exemple, il était beaucoup dans un lieu, la Dar La Mifa, qui est juste à côté, en haut de la route d'Aubagne. Et donc cette assemblée, c'était un espace de rencontre tous les mois, premier lundi du mois. Tout le monde pouvait venir, c'était une assemblée ouverte, assemblée des quartiers. Donc au départ, c'était des gens qui se connaissaient, plutôt un groupe d'amis. Et puis petit à petit, il y avait des affichages dans les quartiers pour prévenir les gens que ça existait. Il y a eu aussi, avant de la naissance de l'assemblée, l'invention d'un carnaval de quartier qui a pris des dimensions quand même extraordinaires. Et c'est né comme une idée d'une bande de potes au final d'ici. Ils ont lancé cette idée d'un carnaval qui reprend un peu la tradition provençale de construire un carnaval, que c'est quelque chose qui incarne le mal de l'année, qui est fait défiler, il y a un procès, un jugement, et au final, s'il est jugé coupable, il est brûlé. Et donc ce carnaval, c'est un carnaval autogéré, indépendant, qui ne demande aucune autorisation, et qui, au cours des dernières années, a quand même pris des dimensions assez impressionnantes. Déjà, des carnavals de la plaine, le carnaval de la plaine Noailles, puis de la plaine Noailles est réformée il y a un an où c'est parti jusqu'à la Belle de Mai. Et donc là, on est à je sais pas, plusieurs milliers de personnes qui participent à ce carnaval, qui viennent même d'autres zones de France et même d'Italie. Donc ça, c'est pour vous donner un peu une idée de ce que c'était cette place au centre de ce quartier. Et aussi, il y a cette idée de qu'est-ce que c'est cette place, le quartier, c'est quoi l'échelle. C'est une place énorme, du coup il y avait le marché, il y a les sorties de nuit, il y a la vie quotidienne des gens qui habitent là. En fait, c'était un espace où vraiment des gens très, très différents se côtoyaient, se passaient à côté, des usages différents au cours de la journée, dans les jours de la semaine, entre le matin, le soir. L'après-midi, ici au milieu, il y avait un espace de jeu pour les enfants qui était plein de monde, parce que aussi, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas du tout ailleurs dans les centres-villes. Et donc ça fait qu'il y avait tout ça qui coexistait, bien ou mal, mais c'était très vivant. Il y avait aussi plein de voitures, il faut le dire. Au départ, j'ai revu des photos des années, je pense, 90 de carnaval, de repas partagés qui avaient lieu sur les quartiers. Il y avait ça aussi, des repas partagés. Et en fait, il n'y avait pas de voitures sur le centre de la place. Parce qu'en fait, il y a des bornes. Donc il faut s'imaginer qu'il y avait les voitures qui faisaient le tour de la place. Et tout au centre, c'était espace pour dire piétons. Il y avait les voitures qui pouvaient passer parce qu'il y a les marchés qui doivent s'installer quand même. Les forains, ils ont des camions. Mais ça doit être limité, hors des horaires de marché, il n'y a pas de voitures. Et en fait, ça fait partie un peu de cette stratégie de pourrissement. Nous, on l'appelle comme ça. En fait, les bornes sont cassées, les voitures elles peuvent rentrer. Ben, en fait, ça devient un énorme parking. En même temps, il y avait des choses qui se passaient au milieu du parking. Ça coexistait aussi avec énormément de difficultés. Et donc tout ça, c'était la situation un peu jusqu'à 2015, quand on a découvert que la ville avait un projet de rénovation de la place, dont on n'avait jamais entendu parler auparavant, sur lequel il n'y avait pas vraiment eu des cours dans les quartiers. Donc on a découvert ça par un document d'études déjà préopérationnelles qui a fuité. Et à partir de là, vraiment, c'est monté petit à petit autour de l'Assemblée un peu, mais ça, c'était quelque chose de très tentaculaire, mobilisation contre ce projet. Et quand j'ai dit contre ce projet, c'était contre l'idée de vouloir... Il y avait écrit déjà noir sur blanc sur ce document que la volonté de la ville, c'était une montée des gammes de la place, une réduction du marché, une sélection des forains. Donc vraiment, c'était ça, dans cette idée de... faire un peu le ménage, non, entendu un peu à Besançon, d'une certaine façon. Mais là, c'était vraiment la ville qui venait pour... Et du coup, à partir de là, les réunions se sont intensifiées, le débat, ça s'est animé, il y a eu beaucoup de réunions d'assemblée sur la place. Et toujours, c'était ouvert à tout le monde. Et voilà. Puis, il y a eu énormément de choses. Il y a des tables qui ont été construites, qui sont devenues un peu un symbole aussi de cette lutte. Parce que c'était vraiment dans l'idée de... En fait, les habitants peuvent faire eux-mêmes, de faire des aménagements, d'améliorer les choses. On est passé aussi d'une vision où on voulait qu'on ne touche rien à la plaine, à Mais oui, c'est pas qu'on veut qu'on touche rien. C'est vrai qu'on veut des améliorations pour cette place, mais on est tous d'accord, c'est très, très clair pour tous qu'est-ce qu'on veut pas. Par contre, s'accorder ensemble de qu'est-ce qu'on veut, construire ensemble qu'est-ce qu'on veut, c'est un processus très très long. Et ben, vous le savez tous, c'est mettre ensemble, discuter des différents points de vue, surtout la multiplicité des usages qu'il y avait ici, des personnes, comment faire coexister tout ça. Qu'est-ce que ça voulait dire aussi faire partir ce parking d'un jour au lendemain, comme ça a été fait, quel impact ça pouvait avoir sur les commerçants, les marchés qui a été démembré, fait partir ailleurs pendant la durée des travaux. Et même un chantier qui dure annoncé 2 ans et demi, on va voir s'ils finiront dans 1 an ou pas. Mais ça veut dire qu'il y a déjà énormément de dépôts de bilan des petits commerçants qui n'ont pas tenu les coûts. Et aussi la situation de mépris total qu'on voit de la municipalité envers les gens qui vivent ce quartier. Ben, vous voyez, là, c'est propre par rapport à comme c'était il y a quelques mois. Et en fait, il n'y a aucun respect. Voilà, et les murs. Non, mais on n'est pas encore arrivé au début du chantier. Donc là, vous voyez des pannes de béton taguées. En fait, ça a été, et je pense que jamais dans l'histoire de l'aménagement urbain, il y a eu un mur en béton de 2,5 mètres de haut qui protégeait les chantiers. Parce qu'au début, alors là aussi, il faut dire que le chantier a commencé par un abattage des arbres hyper violent. Alors, il y a eu des machines qui sont arrivées ici sans aucune protection. Aussi, ils ont commencé à couper les arbres entourés de CRS. Ça, c'est la vision vraiment du début du chantier. Pour moi, c'était ça. Je pense qu'on était là aussi. On était tous là, éloignés par les CRS, à voir les arbres qui venaient couper un après l'autre. Et les enfants de toutes les écoles du Tour qui, alors qu'on leur raconte vaguement aujourd'hui qu'il faut se préoccuper de ce qui s'appelle l'environnement, et là, ils arrivent sur la place sur laquelle ils jouent tous les jours avec des arbres par terre très grands et tout. Et là, il y a une incompréhension de tout le monde. Aussi parce que, bon, il faut dire qu'avant d'arriver là, qu'avant d'arriver au début du chantier, il y a eu quand même de 2015 à 2018 tout un travail aussi d'essayer d'expliquer c'était quoi le danger de ce projet de montée en gamme, de rénovation. Du coup, il y a des gens qui sont activés pour essayer de décortiquer les projets, de décortiquer les documents techniques, de faire des panneaux. Il y avait des permanences tous les mardis sur la place avec des panneaux pour essayer de discuter avec les gens, de faire comprendre qu'est-ce que c'est la gentrification. Parce qu'ici, quand on parle de gentrification, on dit non, mais alors, ça n'existe pas, Marseille, et puis vous êtes fous, ça ne va pas changer, ils vont rénover, ça va être mieux, ça va être piéton. Donc, il y avait tout ce travail sur le discours aussi, de décortiquer la langue du bois, des aménageurs, de la ville. Et aussi d'essayer de s'ouvrir au-delà de groupes un peu plus, on va dire, radical, entre guillemets, de l'Assemblée. Jusqu'à arriver donc, à des assemblées tous les jours, pendant l'été, sur la place, avec des centaines de personnes qui venaient ici. On parlait des ZAD de la plaine. Du coup, un peu, il y a eu très très vite un montage en puissance et aussi, au final, une désorganisation aussi, un peu, même côté, non ? Dans le sens, il y a eu tellement de monde qui arrivait d'un coup que aussi tout ce qui s'était construit au fil du temps, on était un peu débordé aussi pour dire qu'est-ce qu'on fait pour protéger les arbres, comment on s'organise. Et du coup, c'était très dur de voir tout ça. Et il y avait déjà eu des épisodes avant de l'étable, par exemple, qui avait été construite, qui était devenue un peu le cœur de la place pour des rencontres pour un certain nombre de personnes. Ont été cassés par des services municipaux, accompagnés par la police. Les gens qui défendaient les tables, ils étaient accrochés à des tables en bois, gazés par la police, tabassés. Du coup, il y a eu vraiment une répression hyper violente du mouvement et qui s'est amplifiée en arrivant à Mour en béton. Il y a eu encore un certain nombre d'affrontements sur les chantiers, au début du chantier, des occupations du chantier, c'est de rabattre les murs, plein de choses qui sont passées. Au final, et la répression était tellement violente qu'effectivement, ça a donné un sacré coup. Il y a un moment où on ne pouvait plus rien faire. Et en fait, je voulais lancer juste un sujet sur les comment et puis peut-être laisser la place à vos questions, laisser la place à vous aussi. C'est que Bon, déjà, un espace public, pour être du commun, il faut qu'il y ait une communauté qui l'utilise, qui s'accorde un peu sur des règles d'usage. Là, il y avait une certaine coexistence de plein de communautés différentes, au final. Et à côté, la ville, son travail, ça a été plutôt d'accentuer les séparations entre les différents groupes plutôt qu'essayer de, on va dire, de favoriser. Bon, il y a des gens qui construisent des tables, ben c'est plutôt chouette. Il y a des gens qui mettent des plantes. Peut-être qu'on va essayer, dans un autre monde, dans une autre ville, avec notre municipalité, peut-être ça aurait pu être des valeurs sur lesquelles investir pour vraiment avoir ici quelque chose de différent à la plaine où il y avait des gens qui étaient prêts à faire des choses ensemble et à s'organiser. Chose que ça s'est fait, ça continue un peu à se faire beaucoup moins maintenant, mais que ça va de cinéma en plein air, au repas de quartier, à des ateliers de jeux avec les enfants, à des réunions politiques, biopolitiques dans le sens militante. Et en fait, ce qui a été fait sur les discours de la mairie, c'était de mettre les uns contre les autres, les riverains contre les gens qui s'activaient. On a toujours parlé des militants comme d'une poignée des radicaux, des résistants de l'ultra-gauche qui n'habitaient même pas les quartiers, qui venaient d'ailleurs, qui c'était ces discours-là, comme quoi c'est des gens qui cassent, qui taguent. Et en fait, c'est pas du tout pris en compte, c'est pas raconté tout ce qui a été construit ici, des collectifs, qui a été quand même assez impressionnant. Jusqu'à arriver à l'Or de la Plaine, et ça a été un festival sur 3 semaines, où on invitait des collectifs d'autres villes et d'autres pays à venir ici raconter ce qui se passe chez eux, on faisait des repas des quartiers, on a fait des pâtes fraîches sur la place, on a fait un énorme banquet, il y a eu des projections, des balles, des fêtes, c'était quand même quelque chose d'assez énorme. Et toujours dans cette idée que l'espace public est à tous et qu'on n'a pas besoin de demander d'autorisation pour faire ce qu'on veut sur l'espace, autant qu'on ne va pas au conflit avec d'autres. Il y a aussi des conflits avec des gens qui habitaient ici sur les bruits la nuit. Du coup, comment prendre ça en compte, comment essayer de communiquer. Voilà, donc ça c'était pour donner un peu une idée générale. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Non, moi ce qui m'a... Bon, je suis venue en 2017 à l'Assemblée de la Plaine et je me suis mobilisée. Et ce qui m'a marqué, c'est la petite semaine d'occupation de la place. Parce qu'avant de nous mettre des grands murs, on nous avait mis des barres horizontales qu'on pouvait enjamber. Comme celle-là, oui. Voilà, comme celle-là, là-bas. Donc on a occupé, c'est pour ça que ça ne leur a pas plu, après ils nous ont mis des grands murs. Hein. Et donc pendant cette semaine, on a vu apparaître des usages, une bibliothèque. Un gars qui est venu avec des livres, une cantine pour les SDF. Hein, en plus, il y avait donc un forum là, bâti en bois, très joli. Donc, il y avait des savoir-faire importants. Il y avait des débats politiques, il y avait des ateliers, il y avait de confection de marionnettes, etc. Et ça, c'était vivant. Il y avait des plantations, comme l'a dit Martha. C'était vivant. Ça montrait qu'en fait, il y avait une vie qui n'apparaissait pas dans la rue, mais qui apparaissait sur un lieu public parce qu'il y avait une grande liberté. Voilà. Et c'est ce moment de liberté qui m'a marqué et qui fait que bon, je reste toujours solidaire avec l'Assemblée de la Plaine qui, grâce à elle, nous a amenés jusque-là. Il faut dire, oui, nuancer juste, l'Assemblée de la Plaine n'est pas le seul acteur au-delà de ça. Ça a été un peu le catalyseur de certaines choses. C'était un peu un lieu de convergence, mais il y a plein de lieux amis actifs à différents endroits. Ça fait vraiment un réseau ici. L'Assemblée de la Plaine n'est pas, voilà, ne détient pas la plaine, mais au contraire. Comme tu disais tout à l'heure, même après dans les négociations avec la mairie, tu avais une association de commerçants, donc l'Assemblée de la Plaine. Pas de négociation avec la mairie. Non, pas dans des négociations, mais je veux dire en tout cas dans les acteurs qui étaient présents sur cette lutte, c'est vrai que c'était réparti. Il y avait plusieurs acteurs différents. Quoi. Et c'était intéressant d'ailleurs cette association des riverains, on ne sait pas trop comment elle a été montée, mais on a l'impression que c'est un peu une asso qui arrive juste à la fin. Quand la mairie voit qu'il y a une mobilisation très forte, et puis d'un coup on a cette association des riverains qui apparaît avec un Facebook, avec des gens qui viennent tracter. Et du coup, presque voilà, comme une sorte de truc, on ne sait pas vraiment d'où ça vient, mais qui vient essayer de montrer que comme quoi les citoyens en fait, de la plaine en fait, non, ont envie de ce changement de place. Quoi. Et bon, mais effectivement, il y avait plein d'avis aussi divergents, enfin il y avait des avis divergents en fait en fonction des gens, certains commerçants pour qui Ah oui, c'est très bien qu'il y ait un réménagement de la place parce que ça attire d'autres gens. Avec l'envie, c'était un peu vendu comme ça aussi, de faire une place plus grande, donc avec des guinguettes, avec plus de place pour les terrasses. Donc aussi, il y a des intérêts derrière, clairement, qui étaient affichés plus ou moins. Et donc on a pu voir aussi ce type de division-là, quoi. Et c'était intéressant à voir. Et bah, voilà, c'est... Puis bon, chacun, c'est vrai que dans cette idée de commun, là, il y a eu des moments de lutte très forts où, par exemple, le mouvement de l'Assemblée des associations locales a rejoint dire, les forains aussi. C'était très, très long, les échanges avec les forains, essayer de comprendre leur point de vue, leurs besoins, ce marché qui allait s'interrompre, ils allaient être envoyés... Ils ne savent pas où, est-ce qu'ils vont revenir ou pas. Et du coup, apparemment, il y a eu des énormes manifestations avec eux. Mais d'autres moments, il y avait une séparation nette. Du coup, ça a été vraiment quelque chose à géométrie très variable, ce qui s'est passé ici. Juste une question. Combien a coûté le mur ? 390 000 euros, et ça a été construit presque au même moment des effondrements de Noailles. Et non, mais voilà. Et le coût total de la place, c'est quoi, comme 10 millions ? 20 millions d'euros. Donc c'était aussi là-dessus quoi, qu'il y avait un gros désaccord, en tout cas de la population, c'était de dire, enfin en tout cas de nous, plein de gens ici qui notamment on est beaucoup à travailler dans plein de petites associations ici où en fait ça crée énormément de dynamisme, ça permet énormément de choses, comme on disait quoi, tant des cantines sociales, des choses hyper abordables pour les gens qui n'ont pas trop les moyens, enfin puis plein d'événements culturels. Et la plupart de ces associations sont pas du tout financées, enfin, on a très peu d'argent public. Et puis là, boum, l'argent public, boum, 20 millions pour refaire toute une place. Donc nous, il y avait aussi un peu un truc, qu'est-ce qu'on fait de l'argent public aussi, quoi. Ce qui était choquant, c'est qu'en même temps, quand nous mettait les murs, à une semaine près, les immeubles de la rue d'Aubagne s'effondraient et faisaient 8 morts. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun argent pour aider à la réhabilitation de ces immeubles et on met 20 millions pour une place. Voilà. Et ça a été un déclic, un choc. Et c'était aussi le choix politique d'un lieu où effectivement il y a une effervescence, où il y a toute une vie, où ils se font des choses sans qu'on demande l'autorisation pour installer quoi que ce soit dehors, où les gens s'organisent entre eux. Il y a, par exemple, il y a eu avec les cantines et les caisses, on a fait de l'achat de matériel commun du quartier. Par exemple, on a des tables, des bancs, un sono, qui sont du quartier. En fait, que tous les lieux du quartier ou des collectifs qui veulent organiser quelque chose, ils peuvent demander, on prend les tables, on aurait besoin, on peut y aller à sono. Et du coup, il y avait vraiment cette idée d'entraide et de montage en puissance un peu des collectifs locaux. Contre toujours cette volonté de la ville d'anéantir ça parce que ben, ça ne va pas avec la valorisation immobilière, ça ne va pas avec l'idée de l'image de la ville qu'ils veulent vendre. On est vraiment dans ce décalage total. Quand on parle de ville carte postale, ben, on voit bien qu'est-ce que ça représente pour Marseille. Ça représente la disparition des quartiers populaires. On garde un peu l'ambiance parce que c'est joli pour certains, mais il faut quand même nettoyer et pour surtout avoir des logements. Et, voilà. Comment vous voyez le devenir de tout ce qui a été créé en termes d'associations, de réseaux, tout ça pendant avant la plaine, une fois que le projet va être terminé? Alors, c'est vrai qu'au début, au moins il y a un an, on était beaucoup plus positif peut-être que maintenant. Ah non, moi je suis positive. Hein. Non, mais dans le sens, tout ce qu'on a construit ensemble, ça ne se voit pas sur la place aujourd'hui, mais c'est des liens entre les personnes, entre les collectifs. Ça fait que ça a renforcé aussi cette idée de la plaine comme lieu un peu emblématique des luttes urbaines et des convergences. Ça joue un rôle énorme aussi sur la naissance un peu de convergences autour du manifeste qui a été rédigé. Manifeste pour Marseille vivante et populaire. Et du coup, c'est un peu en référence. Et, on a des contacts des gens d'autres villes qui veulent savoir comment ça se passait à la plaine et tout ça. Donc, tout ça, ça existe encore. C'est comment porter ce récit encore, c'est quelque chose. En fait, ce qu'on se disait un peu tout à l'heure, c'est qu'on a besoin aussi de se retrouver collectivement à écrire ce récit et à le transmettre. Et c'est vrai qu'à un niveau de la fréquentation de la place, c'est beaucoup plus dur, on vient moins, on n'a pas trop envie d'y passer parfois, on fait des détours pour éviter c'est quand même douloureux. C'est social, non hein hein social. Social, oui. Voilà, moi j'ai 44 ans de cotisation, 20 ans de marine et 20 ans de travail hein, dans le civil. Voilà. Maintenant, quand je reçois ma retraite, je suis pensionnaire. Quand je reçois ma complémentaire, je suis pensionnaire. Mon épouse, quand elle reçoit sa retraite, elle est pensionnaire. Hein, il faut bien le payer, hein, le château de Brigançon. Hein. Hein. Voilà. Hein. Voilà. Alors, le programme, c'est quoi alors? Alors, je voulais rajouter, parce que par rapport au quartier, en dehors de ce qui a été vraiment des luttes qui ont créé des communs ensemble, mais sur de la mobilisation d'activistes après, je pense que demain, créer des communs ici, c'est aussi avec le reste de la population. Moi, je me mettrai de ce côté-là, j'habite ici. On sait que c'est un projet qui a été fait sans les habitants, voire contre les habitants à un moment donné, en tout cas ceux qui étaient les plus mobilisés. Et même ceux qui se sont peu mobilisés ont quand même et savent que c'est une dalle qui est proposée désormais et que cette dalle, elle est faite pour y mettre des restaurants et des cafés, et c'est un modèle à répétition qui est un modèle qui va à l'encontre de la rencontre et qui est fait vraiment pour un nettoyage parfait d'une place où on ne restera plus et où on passera. Et ça, je pense que les habitants, ça, ils le veulent pas, et qu'il y a aussi quelque chose à reconstruire sur les usages à venir qui ne soient pas complètement uniques vers ce vers quoi ce projet veut tendre. Et du coup, ça, il y aura quelque chose forcément là à remobiliser sur cette dalle. De toute façon, ça, c'est l'espoir. Au-delà des mobilisations, au-delà des projets de rénovation, si on prend du recul un peu sur ce qui s'est passé ici et sur Marseille en général, sûrement il y a des choses qui vont se passer après. Par contre, ça a pris un sacré coup, le quartier. Ça ne sera pas tout à fait celui qui était avant. Et du coup, ça... Non, mais je vois d'autres exemples à Séville, par exemple, à la Meda ou d'autres espaces. C'est sûr, il y aura des choses qui vont se passer. Mais par rapport à ce qui aura pu être, ça sera différent. Moi, je dirais presque l'inverse. C'est-à-dire que cette place, elle a la chose exceptionnelle de... Il faut aussi le prendre comme une opportunité. Effectivement, c'est triste et tout ça, mais ça a mobilisé, ça a créé une communauté, ça a créé des relations qui n'existent pas dans d'autres places. Et je pense que justement, une fois que le projet va être fait, il faut montrer que tout ce réseau qui a été créé pendant la dévastation de ce qu'était la place est vivant et peut donner quelque chose de différent à cet espace public qui ne peut pas être neutre. Il faut voir, est-ce que ce sera les mêmes personnes qui étaient mobilisées avant ou d'autres? Ça, aujourd'hui, c'est difficile de le dire. C'est mon avis personnel. Non, bon, je rejoins un peu ce que tu dis, parce qu'en fait, ce qu'ils ne peuvent pas casser et démolir, c'est l'esprit, ces liens. C'est l'esprit de la plaine. C'est un modèle alternatif, donc du quartier, quoi. Et ça, ils ne peuvent pas le démolir. Donc, alors, il y aura peut-être une petite gentrification, peut-être des loyers qui vont augmenter. Mais c'est pas ça qui va faire le quartier. Parce que le quartier est déjà fait avec des liens de solidarité, des réseaux. Oui, mais j'ai une nuance parce que je rencontre des gens qui... moi, ça fait 20 ans que j'habite ici et je rencontre des gens qui disent « Moi, je ne reconnais plus ce quartier. Je ne vois plus les gens que je connais. Je vais dans les bars, ça fait rien. » C'est normal, ça évolue, mais c'est vrai qu'il y a une gentrification qui est en cours et ça, ça va l'accélérer. Et ça, ça va dans le sens des gens qui veulent un espace calme, qui veulent dormir le soir, qui ont envie d'avoir des voitures. En fait, c'est enlever toutes les nuisances, mais ce qui est nuisance aussi, c'est la vie de l'espace public. Et en fait, pour vous donner un exemple de ce que je voulais dire tout à l'heure, de comment ils ont accentué la volonté de diviser les gens, c'est cette idée de conflit d'usage de l'espace public. En fait, l'aménagement vient pour résoudre les conflits d'usage.